إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Le cours de cette soirée, Inch'Allah, concerne Manasik al-Hajj wal-Umrah, les rites du pèlerinage et de la Umrah. Le pèlerinage, c'est ce grand rituel qui est une obligation, un devoir pour chaque musulman qui en a les moyens et la capacité, les moyens financiers, la capacité physique, d'accomplir cette action grandiose pour Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le cinquième pilier de l'islam. Comme nous le dit bien le prophète alayhi salatu wa salam, « Bunya l'islam ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqam al-salah wa ita' al-zakah wa sawmi ramadan wa hajj al-bayt » L'islam est bâti sur cinq piliers. L'attestation que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. D'accomplir la salat, de donner la zakat, de jeûner le mois de Ramadan et d'accomplir le pèlerinage vers la maison sacrée. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » Dans le sens du verset, il incombe aux gens d'accomplir le pèlerinage pour Allah, pour celui qui en a les moyens et la capacité. C'est un devoir, une obligation, une fois dans la vie. Si quelqu'un en fait plus, ce seront des actions surérogatoires. C'est des actes recommandés, conseillés à faire, mais l'obligation n'est demandée qu'une seule fois dans la vie. Le pèlerinage, selon l'avis le plus sûr, le plus authentique là-dessus, a été rendu obligatoire en l'an 9 de l'Hégire. En l'an 9 de l'Hégire. Et c'est Abu Bakr, radiallahu anh, qui va présider cette année-là le pèlerinage sous l'ordre du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, va l'accomplir quelques mois avant son décès. Alayhi salatu wassalam, en l'an 10 de l'Hégire. Le pèlerinage célèbre, connu, qu'on appelle Hajjatul Wada', le pèlerinage d'adieu. Et les gens se sont pressés de rejoindre Médine. Ceux qui étaient à Médine étaient déjà présents. Ceux qui étaient dans les contrées, dans les campagnes, dans d'autres endroits, s'empressaient car ils ont entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va présider le pèlerinage. Il y a un appel qui a été fait, une invitation qui a été faite. Et donc les gens s'empressaient pour pouvoir profiter d'accomplir le pèlerinage avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Et ils se sont retrouvés à la Mecque, ils étaient plus de 100 000. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demanda d'accomplir le pèlerinage comme lui, il l'accomplit. Alayhi salatu wa salam. Et il les a avertis, car il se peut que je ne sois pas parmi vous l'année suivante. Alayhi salatu wa salam. Et parmi les compagnons qui ont rapporté le récit de ce pèlerinage, il y a le célèbre compagnon Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu. Et son récit est parmi les récits les plus complets. Il raconte le pèlerinage du prophète alayhi salatu wa salam depuis qu'il a quitté Médine jusqu'à son retour à Médine. Et ce hadith célèbre, on le retrouve dans Sahih Muslim, dans l'authentique de Muslim. Il y a d'autres récits variantes authentiques par d'autres compagnons qui viennent parfois compléter certains passages. Mais son récit à lui, il est complet, du début à la fin. Et le grand savant du hadith, Cheikh Mohamed Nasiruddin al-Albani, alayhi rahmatullah, il a fait une étude de ce hadith dans un livre qui s'intitule « Hajjatul Nabi sallallahu alayhi wa sallam » كما رواها عنه جابر في صحيح مسلم. Et aussi ce hadith, il y a un commentaire de ce hadith, une explication de ce hadith faite par le cheikh Al-Uthaymin alayhi rahmatullah, qu'on retrouve dans certains numéros du recueil de ses livres et de ses fatawa rahimahullah ta'ala. Parmi les ouvrages contemporains, les meilleurs ouvrages écrits à ce sujet, on a At-Tahqiq wal-Idah, éclaircissement sur beaucoup de questions du pèlerinage, écrit par le grand savant, le cheikh Abdel Aziz ibn Abdillah ibn Baz, alayhi rahmatullah. Et le livre, il est traduit en français. Les autorités saoudiennes, parmi les livres qu'ils donnent, il y a aussi ce livre-là qui est traduit en français. Il l'a écrit au début des années 40, alayhi rahmatullah. Et il a été édité et revu par l'auteur lui-même, rahimahullah, à plusieurs reprises. Il y a aussi le livre concernant ce domaine du grand savant, le cheikh Mohamed Nasiruddin al-Albani, alayhi rahmatullah, autre que le livre que je vous ai cité tout à l'heure, qui s'appelle Manasik al-Hajj wal-Umrah, les rites du pèlerinage et de la Umrah, selon le Coran et la Sunna et les récits des pieux prédécesseurs. Et il y a aussi un ouvrage du grand savant, le Cheikh Mohammed ibn Salih ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah, qui s'intitule Al-Manhaj li Muridi al-Umrati wal-Hajj, la voie à suivre pour celui qui va accomplir la Umrah et le Hajj. C'est parmi tant d'autres ouvrages, mais cela c'est parmi les meilleurs qui ont été écrits et compilés sur le sujet. La Umrah, c'est un petit pèlerinage. Et elle est obligatoire une fois dans la vie. Et en général, les gens qui accomplissent le pèlerinage, ils l'accomplissent avec. Donc, dans ce même voyage, ils font les deux obligations. Et la Umrah n'a pas de moment précis. Elle peut se faire à n'importe quel moment de l'année. Mais il y a des moments où la Umrah est plus récompensée. Elle a plus de valeur, comme par exemple durant le mois de Ramadan. Le pèlerinage, il y a trois façons de l'accomplir, trois rituels. Il y a ce qu'on appelle Al-Ifrad, Al-Qiran et Al-Tamattu'. Al-Ifrad, c'est d'accomplir le pèlerinage seul, sans Umrah. Il n'y a pas de Umrah dedans. La personne, elle arrive pour accomplir seulement le pèlerinage. Ça, c'est ce qu'on appelle Al-Ifrad. Et celui qui l'accomplit dans ce rituel, on l'appelle Al-Mufrid. Parce qu'il n'a fait qu'un seul rite, qui est le Hajj. Il n'a pas fait de Umrah. Puis, on a les deux autres qu'on appelle Al-Qiran et Al-Tamattu'. Et ces deux-là, ces deux rituels, ils comportent le Hajj et la Umrah. Al-Qiran, c'est de faire la Umrah et le Hajj avec le même état de sacralisation, le même état d'Ihram. La personne, elle arrive, elle s'est mise en état de sacralisation, en Ihram, elle fait sa Umrah, elle reste en état d'Ihram jusqu'au moment précis du Hajj, et il accomplit le Hajj. Et il y a At-Tamattu'. Celui qui fait le Qiran, on l'appelle Qari. Et celui qui fait le Tamattu', on l'appelle Mutamattu'. Et At-Tamattu', c'est de faire la Umrah avec un état de sacralisation, un état d'Ihram, se désacraliser, puis se remettre à nouveau en état de sacralisation, en état d'Ihram, pour le pèlerinage. Et At-Tamattu', c'est le préférable, le meilleur à faire. Pour certains savants, c'est même le devoir de chacun de faire le At-Tamattu'. C'est pour cela que c'est le plus répandu et le plus connu, et c'est ce que font en général les gens qui partent pour le pèlerinage, ils font At-Tamattu'. Parmi aussi les différences entre ces rituels, c'est la bête à sacrifier pour le pèlerin. Il y a une bête à sacrifier pour le pèlerin, bien que cette bête elle est sacrifiée le jour de l'Eid, mais le pèlerin ne le fait pas pour l'Eid, il le fait pour le pèlerinage. Il le fait pour le pèlerinage. C'est pour ça que cette bête, on ne la nomme pas comme on nomme la bête à sacrifier pour l'Eid, pour la fête. L'une, on l'appelle Al-Udhiyya, c'est celle de Eid al-Adha, et celle du pèlerinage, on l'appelle Al-Hadi. C'est une offrande que le pèlerin offre et donne durant ses rites de pèlerinage. Al-Hadi n'est demandé, n'est une obligation que pour celui qui fait Al-Qiran et qui fait Al-Tamattu'. Celui qui a profité de ce voyage pour faire les deux, la Umrah et le Hajj. Celui qui fait l'Ifrad, que le Hajj tout seul, le sacrifice ne lui est pas demandé. Le sacrifice ne lui est pas demandé. Ça, c'est une des aussi des points, un des points distinctifs. La Umrah et le Hajj sont des actes d'adoration, comme plein d'autres actes d'adoration. Et tous les actes d'adoration ont les mêmes conditions de validité. Qui sont ? Premièrement, la sincérité, al-ikhlas. On œuvre pour Allah Azza wa Jal. On accomplit cette action pour Allah Azza wa Jal, ne cherchant par là que la grâce divine et le visage d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ne cherchant aucun bien de ce bas monde, aucun intérêt de ce bas monde. On le fait pour Allah Azza wa Jal. On ne cherche aucune notoriété, on ne cherche aucun titre. On agit pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et le musulman authentique, sincère, véridique, s'efforce de ne pas perdre ses bonnes œuvres et fait en sorte de ne pas anéantir les actions accomplies. Et deuxièmement, deuxième condition de validité, que l'œuvre soit accomplie en conformité avec la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Tu ne dois adorer que Allah, et tu n'adores Allah que comme il a légiféré. Comme notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle pour nous tous, l'a accompli. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit bien pour cette adoration bien précise. لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَلَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِ هَذَا. Que vous preniez de moi les rites de pèlerinage. Il se peut que je ne sois pas parmi vous l'année suivante. Donc il demande aux compagnons de prendre, d'agir comme lui, il a agi alayhi salatu wassalam. Comme il a dit à certains compagnons, sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa rad. Celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion sera à rejeter. Elle n'est pas acceptée. Donc, le Hajj, pour qu'il soit accepté, pour qu'il soit agréé, le Hajj al-Mabrour, agréé d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il ne le peut être Mabrour si ce n'est lorsqu'il est accompli de la manière la plus complète et la plus parfaite. Et il ne peut y avoir de manière complète et parfaite si ce n'est dans la manière que l'a accompli notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet acte d'adoration comporte en son sein des actions qui sont de l'ordre de ce qu'on appelle al-rukn, al-arkan, qui sont les piliers, les actions les plus importantes. Puis vient juste après des actions qui sont considérées comme wajib, obligatoires. Puis viennent des actions qui sont considérées comme des sunan, des mustahabbat. Ce sont des actions qui sont recommandées. Donc nous allons les voir brièvement, inshallah. Pour la Umrah, et parfois certaines de ces actions, on les retrouve dans la Umrah et dans le Hajj. Et certaines vont concerner seulement le Hajj. Pour la Umrah, pour ceux qui veulent noter, c'est très bien. Arkanul Umrah, les piliers de la Umrah. On a Al-Ihram. On a Al-Ihram. Et Al-Ihram, ce n'est pas le vêtement que met le pèlerin. Bien que les gens ont pris l'habitude de l'appeler Ihram. Ce sont les vêtements de l'Ihram. Al-Ihram, c'est l'intention, c'est la niya. L'intention d'entrer en état de sacralisation. C'est ce qu'on appelle Al-Ihram. Deuxième pilier, At-Tawaf. Qu'est-ce que Tawaf ? C'est le fait de tourner autour de la Kaaba. Et ça, c'est une adoration qui n'existe que dans ce lieu, autour de la Kaaba. Jamais en dehors de cela, le Tawaf n'est demandé. Autour de quoi que ce soit. On ne tourne qu'autour de la Kaaba seulement. En français, il appelle aussi la circumambulation. Le fait de tourner autour de la Kaaba. Troisièmement, As-Sa'i Bayna As-Safa wal Marwa. Les va-et-vient entre le mont de Safa et le mont de Al-Marwa. Ça, ce sont les trois piliers de la Umrah. La tasihhu al-Umrah ma'a tarki wahid min hadhihi al-arkan. Si un de ces piliers vient à manquer dans la Umrah est caduque, invalide. C'est-à-dire, on ne peut pas corriger son erreur. Il faut qu'il y ait ce pilier. Le manquement à ce pilier fait que la Umrah, elle est invalide. Maintenant, on va voir les wajibat, les obligations de la Umrah. Et là, ils sont au nombre de deux. Les piliers, ils étaient combien ? Trois. Les obligations sont au nombre de deux. Al-Ihram min al-Miqat. Al-Ihram en lui-même, c'est un pilier. Mais de faire l'Ihram depuis l'endroit qu'on appelle al-Miqat, qui est la limite qu'on n'a pas le droit de dépasser sans être en état d'Ihram, cette chose-là, elle est wajib. Elle est obligatoire. Deuxièmement, deuxième obligation, al-halq ou al-taqsir, de se raser la tête ou de couper ses cheveux. Ça, c'est un acte obligatoire. La yajuzu ta'ammudu tarki wajibin min hadhihi al-wajibat. Wa man tarakahu fa'alayhi damun wa 'umratuhu sahiha. Ça, vous allez bien comprendre la distinction. Ce qui différencie un acte obligatoire d'un acte qui est pilier. Il n'est pas permis, il est interdit de délaisser un acte obligatoire. Maintenant, si quelqu'un a omis de le faire, un de ses actes obligatoires, alors il se devra d'offrir un sacrifice. Comme compensation, il doit sacrifier une bête. Il doit sacrifier une bête. Et en sacrifiant la bête, sa umra, elle est valide. Sa umra, elle est valide. C'est ça la différence entre l'acte obligatoire et l'acte qui est pilier. L'acte pilier, on ne peut pas, il n'y a pas de compensation si ce n'est de le faire. Alors que l'acte obligatoire, si quelqu'un a omis de le faire, il peut se rattraper, il peut corriger en sacrifiant une bête. Wa sunanu al-umra, les actes recommandés de la umra, ma ada ma taqaddam mimma thabata 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est tous les autres actions. Quand on dit action, que ce soit des gestes, des actions des membres ou des paroles. Tout ça rentre dedans, ça rentre dans les actions. C'est toutes les autres actions qui n'ont pas été citées et qui sont authentifiées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est demandé de faire, mais qui ne sont pas un pilier, qui ne sont pas une obligation, alors ça rentre dans les actes recommandés. Ça rentre dans les actes recommandés. Pour le hajj, là c'était la umra. Pour le hajj, donc on a, comme on a vu précédemment, comme pilier. Pour la umra, combien de piliers ? 3. Pour le hajj, il y en a un en plus, ça fait 4. Donc on a al-ihram, on a al-wukufu bi-arafah, la station à Arafat. La station à Arafat. Tawaf al-ifada, le tawaf du hajj. Le tawaf du hajj. Et on a as-sa'i bayna as-safa wal marwa, les va-et-vient entre as-safa et le marwa. Ça, ce sont les piliers du pèlerinage. Wajibat al-hajj, les actes obligatoires pour le hajj. Là, on en a 7. Al-ihram min al-miqat, de faire l'état de sacralisation depuis al-miqat. Al-wukufu bi-arafa ila al-ghurub liman waqafa biha naharan. Pour celui qui a accompli la station à Arafat en journée, de rester un peu après le coucher du soleil. De rester un peu après le coucher du soleil, ça c'est un acte qui est obligatoire. Al-mabitu bi-muzdalifa laylat al-nahr ila ba'da nisf al-layl. De passer la nuit dans la station de qu'on appelle Muzdalifa, qui est la veille du jour du sacrifice, après le milieu de la nuit. Al-mabitu bimina layali at-tashriq, de passer la nuit dans la plaine de Mina durant les nuits de Tashriq, c'est-à-dire les 3 jours après le jour de l'Eid. Le jour du sacrifice, c'est le jour du Eid. C'est le 10 de Dhul-Hijja. Les jours de Tashriq, c'est le 11, le 12 et le 13 de Dhul-Hijja. Ramyul Jimar Murattaban, de lapider les stèles par ordre, dans l'ordre. La petite, la médiane et la plus grande qu'on appelle Al-Aqaba. Donc, les 3 stèles. Et pour celui qui vient pour lapider, la première qu'il a devant lui, c'est la petite. La seconde, c'est la médiane. La troisième, qui est la plus proche de Mecca, c'est la plus grande et qu'on appelle aussi Jamratu al-Aqaba. Al-Halqu ou al-Taqsir, de raser la tête ou de seulement tailler les cheveux. Tawaf al-Wada' li ghayri al-Ha'id ou al-Nufasa. Le tawaf d'adieu, c'est la dernière action à accomplir avant de quitter la Mecque. Lorsque le pèlerin a tout fini, il a fini son séjour, il ne lui reste plus qu'à quitter les lieux. À ce moment-là, il termine son séjour par ce tawaf qu'on appelle tawaf al-wada', le tawaf d'adieu, de tourner autour de la Kaaba. Et il y a dérogation faite, permission faite aux femmes qui se retrouvent en état de monstru ou en état de logis. Hein, ces deux catégories, elles sont exemptées de tawaf, al-wada, elles sont pardonnées. Sunan al-Hajj, les actes recommandés de l'Hajj, c'est toutes les autres actions qu'on n'a pas citées, ni dans les piliers, ni dans les obligations, et qui sont authentifiées dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, là, au moins, on sait le degré des actions les plus importantes à accomplir. Là, nous allons voir, incha'Allah, comment accomplir la umrah et comment accomplir le hajj. C'est résumé et c'est clair, tiré d'un ouvrage qui s'intitule Sifatu Hajjati Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la manière d'accomplir le pèlerinage du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, par le Cheikh Mohammed ibn Jamil Zinou rahimahullahu ta'ala. Donc il dit A'malu al-umrah, les actes à accomplir pour la umrah. Awalan al-ihram, donc c'est l'état de sacralisation. Irtasil wa tatayyab in tayassar lak, tu dois te laver le corps et tu te parfumes si tu en as la possibilité. ثم البس ثياب الإحرام وهو إزار ورداء مع كشف الرأس للرجل. Puis tu vas prendre ces deux tissus, ces deux draps, ces deux étoffes, l'un qu'on appelle al-izar et l'autre qu'on appelle al-rida. C'est les mêmes étoffes, mais c'est selon le. Je trouve pas le mot. Selon la, comment tu vas t'habiller avec, qui va porter le nom, Isa ou Lida. C'est le même, hein. C'est deux tissus pareils. Si tu t'en sers dans la partie inférieure de ton corps, ça sera un Isa. Si tu t'en sers pour la partie supérieure de ton corps, c'est un Lida. Donc c'est pas deux tissus, lorsqu'ils ne sont pas portés, l'un tu l'appelles Isa ou Lida, c'est les mêmes. Les deux peuvent être Isa, les deux peuvent être Lida. Mais si l'un tu le mets pour la, tu te couvres la partie inférieure de ton corps, de la taille jusqu'aux jambes, jusqu'aux pieds, ça c'est ce qu'on appelle l'Isa. Et si et l'autre que tu as porté au-dessus de tes épaules, c'est ce qu'on appelle l'Rida. C'est une manière de s'habiller que avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Parmi les vêtements portés tous les jours, parmi les, chez les Arabes à l'époque, et jusqu'aujourd'hui, c'est certain, comme au Yémen, en Somalie, et dans d'autres endroits, en Indonésie, c'est encore un vêtement qui est courant. Qui est courant. Donc, Al-Izar ou Al-Rida, c'était des vêtements qui étaient portés. Puis, ces tissus, on s'en sert pour l'état de sacralisation pour le Hajj. Donc, Al-Izar, c'est pour couvrir la partie inférieure. Al-Rida, pour couvrir la partie supérieure. Sans couvrir la tête. Donc, il va la partie supérieure, c'est seulement sur les épaules et non pas sur la tête. وَالْمَرْأَ تَبْقَى بِلِبَاسِهَا الْمَشْرُوعِ. La femme n'est pas concernée par ses vêtements. La femme, elle reste avec ses vêtements habituels. Elle fait son état de sacralisation, son intention, en restant avec ses vêtements habituels. L'essentiel, c'est qu'elle est couverte d'une manière acceptée religieusement. D'une manière acceptée religieusement. Que ce soit le jilbab, le hijab ou autre vêtement qui est en conformité avec la législation musulmane. C'est ça l'essentiel pour la femme. ثم استقبل القبلة قائما. Puis tu vas te mettre face à la qibla pour en disant labbaik allahumma bi'umra. Oh Allah, je viens à toi avec une umra, عند الميقات. الميقات, c'est le lieu, la limite qu'on n'a pas le droit de dépasser. C'est la limite géographique qu'on n'a pas le droit de dépasser pour celui qui a l'intention d'accomplir le pèlerinage ou la umra, il n'a pas le droit de la dépasser sans être en état d'ihram. C'est-à-dire que quelqu'un qui va à la Mecque, mais il n'a pas l'intention d'accomplir ni la umra ni le hajj, ça ne lui est pas demandé. Il traverse le miqat, il va à Mecca pour X raisons, comme il va dans une autre ville. Mais s'il veut faire le hajj ou la umra, il doit s'arrêter au miqat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ces lieux. C'est-à-dire qu'autour de la Mecque, il y a des miqats. Chacun d'où il vient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, a enseigné, a institué des endroits bien précis qui sont les miqats. Le miqat d'Ahl al-Sham, tous ceux qui viennent du Proche-Orient, qui viennent de la Syrie, de la Palestine, du Liban, de la Jordanie, qui passent par ces pays, leur miqat, il s'appelle Al-Juhfa. Aujourd'hui, depuis très longtemps même, on l'appelle Rab, le miqat. Les gens qui viennent du Nejd, c'est les régions qui sont autour de Riyad, la capitale de l'Arabie. Tous ceux qui viennent de ce secteur, de ce côté, leur miqat s'appelle Qarnul Manazil. Ahlul Yémen, ceux qui viennent du sud, du Yémen, et qui vont vers la Mecque, leur miqat s'appelle Yalemlem. Ahlul Medina, les gens de Médine, et ceux qui passent par Médine, leur miqat s'appelle Dhul-Hulayfa. Il s'appelle Dhul-Hulayfa. Et il y a aussi les gens qui viennent de l'Irak, le secteur de l'Irak, et qui rentrent en Arabie pour aller à la Mecque. Pour eux, leur miqat, c'est Dhatu-Irq. Il s'appelle Dhatu-Irq. En général, nous, pour nous, en ce qui nous concerne, le plus connu, c'est Dhul-Hulayfa. Parce que souvent, les gens, ils précèdent Médine. Ils vont à Médine d'abord. Donc, quand ils vont en direction de la Mecque, ils passent par Dhul-Hulayfa. Donc, c'est l'endroit qu'on n'a pas le droit de dépasser. Pour le Hajj, la Umra, on a dit qu'on peut la faire à n'importe quel moment. Pour le Hajj, il y a un miqat. Un miqat dans le temps et dans le lieu. Dans le temps et dans le lieu. Dans le temps, le Hajj ne peut être accompli que dans une période bien précise. Ce n'est pas nous qui choisissons. Une période bien précise. Comme Allah dit dans le Coran, Al-Hajju Ashhuru Ma'lumat. Le Hajj s'accomplit durant des mois bien connus. Et les mois du pèlerinage, c'est Shawwal, Dhul-Qi'da et les 10 premiers jours de Dhul-Hijja. C'est-à-dire le 10, le 11 et le 12, les 3 derniers mois de l'année musulmane. Dès qu'on a fini le mois de Ramadan, le premier jour après Ramadan, c'est le jour de Eid al-Fitr. Eid al-Fitr, c'est le premier de Shawwal. On entre dans les mois du pèlerinage. Depuis ce jour-là, on est entré dans les mois du pèlerinage. Depuis ce moment-là, quelqu'un peut partir à la Mecque avec l'intention d'accomplir le pèlerinage. Il serait parti tôt. Devant lui, il y reste plus de 2 mois et quelques. Mais il est dans les temps. C'est-à-dire qu'il peut venir avec l'intention, par exemple, de faire le Hajj Tamattu. Il fait la Umra, il se désacralise et il attendra la période précise pour le Hajj. Le Hajj, précisément, les rites du pèlerinage en lui-même durent 6 jours maximum ou 5 jours minimum. Ça commence le 8 de Dhul-Hijjah, le 9, le 10, le 11 et le 12 pour celui qui est pressé. Et le 13 pour celui qui veut terminer. Donc on va se retrouver avec 5 jours de pèlerinage pour la personne pressée et 6 jours pour celui qui veut complètement le terminer. وَلِمَنْ خَافَ الْمَرَضْ أَنْ يَشْتَرِطَ فَيَقُولُ. Celui qui a peur, qui craint, vu son état de santé, vu une période de trouble, il ne sait pas s'il va pouvoir vraiment terminer son pèlerinage, De nos jours, alhamdoulilah, on est encore dans les moments où le pèlerinage se fait dans une sécurité. On n'a pas grand chose à craindre, alhamdoulilah. Pour celui qui craint, surtout pour son état de santé, il ne sait pas si son état de santé va lui permettre de terminer le pèlerinage. Il peut dire, ou s'y rajouter, après avoir fait formuler son état de sacralisation, Allahumma labbayk Allahumma bi'umra, ou oh Allah, je viens à toi avec une umra. Il peut rajouter, Allahumma mahilli haythu habastani. Oh Allah, mon pèlerinage va s'arrêter là où tu m'as stoppé, là où je ne pouvais plus continuer. Et celui qui a fait ça, donc, et qui était dans un état qui lui permettait de le faire, et qui n'a pas pu terminer, son pèlerinage, il lui est écrit complet. Il lui est considéré comme complet, car ce n'est pas de sa faute, et il a pensé à faire cette dua-là. Allahumma mahilli haythu habastani. فَإِنِ اَعْتَرَضَهُ حَادِثٌ يَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهِ دُونَ أَنْ يُتِمَّ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. Donc si jamais cette personne-là, précisément cette personne-là, dans ce cas précis, il lui arrive quoi que ce soit qui ne lui permet pas de terminer son pèlerinage, alors il va sortir de son état de sacralisation et rien ne lui est demandé. C'est-à-dire que c'est bon pour lui. اِرْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَّ قَائِلًا. Et tu veux, l'homme, la personne va lever la voix en disant la talbiya, qui est le fait de dire la baik Allahumma la baik, la baik ala sharika laka la baik, inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Mahfourat al-ihram. L'état de sacralisation, qu'on appelle l'ihram, c'est un moment où la personne entre dans une situation qui fait que des choses qui sont permises en temps normal lui deviennent interdites. C'est comme pour la prière, la salat. Le premier takbir avec lequel on entend la prière, on l'appelle comment? Takbiratu al-ihram. Takbiratu al-ihram. Lorsque tu dis Allahu Akbar, tu entres en prière, des choses qui t'étaient permises te deviennent interdites. Ils vont annuler ta prière si tu les fais. Mais en dehors de la prière, tu peux les faire. De même pour l'état de sacralisation, pour la umra ou le hajj. Donc il y a al-jima' wa dawa'i. C'est l'homme qui est accompagné de son épouse. Il n'a pas le droit d'avoir de rapport intime avec son épouse, ni de l'approcher, ni d'avoir de préliminaire. En état de sacralisation, il n'a pas le droit d'avoir d'intimité avec son épouse, ni de préliminaire. Bien sûr, la personne, encore plus, il se doit de s'éloigner des péchés. Al-jidalu bil-batil, la polémique dans le faux, les disputes. Et combien Shaytan va travailler la personne pour le faire tomber dans ces choses-là. Donc ne pas oublier qu'on est en état de sacralisation. Lubsul makhit wa tartiyatu ar-ras lir-rajul, de porter des vêtements pour l'homme qui contiennent qui sont cousus. Il est voulu des vêtements qu'on porte, que ce soit des t-shirts, des maillots, des pulls, des chemises, des pantalons, des sous-vêtements, toutes ces choses-là, l'homme il s'en éloigne. De se couvrir la tête, quelque chose qui colle à la tête, comme la chachia, comme le turban, comme autre chose, tout ce qui colle la tête, tout cela, il s'en éloigne. At-tatayyur, de se parfumer. Izalatu ash-sha'r, de se couper les cheveux. Taqlimu al-adhfar, de se couper les ongles. Saydu al-barr, bon là, aujourd'hui la plupart ne sont pas chasseurs, on n'est pas concernés. Mais la chasse, elle est interdite pour le pèlerin. En état de sacralisation, il n'a pas le droit de chasser. Al-khitba wa aqdun nikah, de demander quelqu'un en mariage en état de sacralisation et de conclure un mariage. Les deux sont interdits. On n'a pas le droit de se marier en état de sacralisation et on n'a pas le droit de faire une demande de mariage en état de sacralisation. Yubahu lil muhrim. Parmi les choses qui sont permises, autorisées pour la personne qui est en état de sacralisation, al-irtisal. Walaw bidalki al-ra's, hakku al-badan, wal-ra's wa tamshituh. De se laver le corps. La personne a le droit de se toucher. Même s'il vient frotter son corps pendant la douche. Même à se frotter la tête pendant la douche. Ou de se coiffer. Il n'y a pas de problème. Walaw saqata minhu ba'd ash-sha'r. Même si sans involontairement de sa part, des cheveux sont tombés ou des poils sont tombés, c'est pas grave. C'est pas lui qui l'a voulu. Al-ihtijam, de faire al-hijam, hein, c'est la saignée, il a le droit. Shamur rihan, de sentir des bonnes odeurs, mais pas de se parfumer, il n'a pas le droit. Qassu al-dhufr al-maksur, s'il a un ongle cassé, il a le droit de l'enlever. Il a le droit de le couper, parce que là, ça peut être nuisible. Khal'u d'ars, d'arracher une dent. Al-istidlal bima sha' ma lam yamussa ra'sahu. De se mettre à l'ombre, de se protéger avec un parapluie, ou de se mettre dans un intermittente. Tout ça, il a le droit. Car il se couvre, mais pas par quelque chose qui vient toucher sa tête. Se mettre sous un arbre. شد الحزام على الإزار. On a le droit aussi de mettre une ceinture autour de l'Izar. On a le droit. Une sacoche. Quelqu'un qui veut mettre ses biens ou son argent dedans, il n'y a pas de problème. لبس النعلين. De porter au pied des sandales. Des sandales. لبس الخاتم وساعة اليد والنظارة. De porter une bague. Une montre, des lunettes, il n'y a pas de problème. Wa ghuslu libas al-ihram wa tabdiluha. De laver les vêtements de l'ihram. C'est pas parce que tu les portes que tu n'as plus le droit de les enlever. Tu peux les enlever, les laver, et tu peux même les changer. D'accord ? On va en prendre d'autres. Il n'y a pas de problème. At-tawaf. Tourner autour de la Kaaba. أمسك عن التلبية إذا وصلت مكة. Donc, tu faisais la talbiya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ça, tu le dis à tout moment. Tu le dis pendant que tu es en état de sacralisation jusqu'à que tu arrives devant la Kaaba. À ce moment-là, tu arrêtes de dire cette formule. Tout le monde le sait. Mais lorsqu'on voyage, beaucoup de nos frères ne le font pas. La talbiya, beaucoup ne le font pas. Donc, ils savent qu'on ne doit pas le faire regrouper d'une même voix, comme certains le font. Mais le problème, c'est que ceux qui le font d'une même voix, ils le font. Mais ils ne le font pas de la bonne manière. Puis ceux qui savent qu'il ne faut pas le faire d'une même voix, ils ne le font pas. De temps en temps, mais ils sont fatigués. On dirait qu'ils s'efforcent, subhanallah. Alors que c'est quelques formules de tawhid qu'ils prononcent par la bouche. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, inna alhamda wal ni'mata laka wal mulk, la sharika laka. Il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire. Pas perdre son temps à dormir, à discuter, surtout quand c'est des discussions futiles. Occupez-vous par ce qui vous est bénéfique, et surtout dans ces moments-là. At-talbiya. Et chacun le dit de son côté à voix haute. À voix haute. Fa'idha amsik 'an at-talbiya idha wasalta Makkah, fa'idha dakhalta al-haram faqaddim rijlaka al-yumna qa'ilan. Donc, et lorsque tu vas entrer dans la mosquée, tu entres par le pied droit, on entre dans la mosquée sacrée. On entre dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wa salam, comme on entre dans toute mosquée. Il n'y a pas de changement là. Donc on entre dans la mosquée sacrée de la Mecque avec le pied droit, en faisant la dua. Là, le shir va nous citer une dua. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. On fait la dua d'entrer dans la mosquée. فإذا رأيت الكعبة فَرْفَعْ يَدَيْكَ وَدْعُ بِمَا تَيَسَّرْ. Lorsque tu vois la Kaaba, tu peux lever les mains et faire des du'as. Tu peux aussi dire Allahumma anta as-salam wa minka as-salam fahayyina rabbana bis-salam. Wa tuf hawla al-Ka'bati sab'a marrat. Et tu devras tourner autour de la Kaaba 7 fois. Kashifan katifaka al-ayman. En découvrant ton épaule droite. C'est le seul moment où il est demandé de découvrir l'épaule droite. C'est lorsqu'on tourne autour de la Kaaba à ce moment précis. En dehors de ce moment, il est demandé de couvrir les deux épaules. Surtout pour la prière. Surtout pour la prière. Certains savants même voient que c'est parmi les conditions de se couvrir l'awra pour la prière. Il y a de couvrir les deux épaules. De couvrir les deux épaules. Donc on voit bien que beaucoup commettent des erreurs là-dessus. Donc de se découvrir l'épaule droite, hein, c'est simple. Le izar, il couvre la partie inférieure. La partie supérieure, on a le rida au-dessus. On veut découvrir l'épaule droite, on baisse le côté droit et on le passe, hein, en dessous du bras. Et le côté, on le jettera sur l'épaule gauche. Et là, l'épaule droite, elle sera découverte. On fait ça pour tourner autour de la Kaaba pour ce tawaf bien précis. Là, on est dans la Umrah. Et la Umrah, elle n'a qu'un seul tawaf. D'accord ? C'est ce tawaf-là. On l'appelle aussi tawaf al-Qudum. Et c'est le tawaf de la Umrah. Donc, on le fait. مسرعا في الثلاث الاول منه في هذا الطواف فقط. Pour ce tawaf bien précis, le tawaf de la Umra, on va presser le pas pour les trois premiers tours. Les trois premiers tours, on presse le pas. On court un peu. D'accord ? Pour les trois premiers tours, ceci pour les hommes. مبتدئا بالحجر الأسود قائلا بسم الله والله أكبر. Et le tawaf commence à quel endroit de la Kaaba? À la pierre noire. L'angle où se trouve la pierre noire. En disant بسم الله والله أكبر. وقبله إن استطعت أو أشر إليه باليمين ولا تقف عنده. Dans l'ordre de préférence, c'est d'aller à la pierre noire et de la toucher et de l'embrasser. Ce n'est pas possible de la toucher. Ce n'est pas possible de faire signe face à la pierre noire en disant Bismillah, Allahu Akbar. Et on commence à tourner autour de la Kaaba. De sorte que la Kaaba, elle fait face à notre côté gauche, notre épaule gauche. Alhamdulillah, ça tout le monde le fait. S'il y en a qui fait le contraire, il verra bien qu'il est seul. D'accord ? Bon. Et ne t'arrête pas. Seulement le temps de dire Bismillah, Allahu Akbar, et continue pas comme certains qui stationnent et qui restent longtemps et en faisant cela, ils bloquent les gens. Ils bloquent les gens. Et ça fait un embouteillage. Donc, il n'est pas demandé de rester, c'est juste le temps de dire Bismillah, Allahu Akbar, et on y va. Et on tourne autour de la Kaaba. La Kaaba, c'est le cube qui fait presque 15 mètres de haut, à peu près une quinzaine de mètres de haut. Et sur le côté, donc on a la pierre noire qui est là. On a la porte qui est là, puis on a le mur, puis on a un demi-cercle par terre, qu'on appelle Al-Hijr. On l'appelle aussi Hijr Ismail. Al-Hijr, c'est ce qui va nous montrer les vraies limites de la Kaaba. La Kaaba, elle va jusqu'à la fin du Hijr, le demi-cercle. Ça, c'est la vraie taille de la Kaaba. Mais dans les époques, La Kaaba a été détruite et reconstruite. Et parfois, on n'avait pas assez de pierres pour la reconstruire. Mais les gens savaient et connaissaient les limites de la Kaaba comme à l'époque d'Ibrahim alayhi salam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, il a eu l'intention de détruire la Kaaba pour la reconstruire selon la taille qu'elle avait à l'époque d'Ibrahim alayhi salam. Mais vu que beaucoup de musulmans étaient des nouveaux convertis, fraîchement convertis à l'islam, ils ne sont pas encore dans un état qui leur permettrait de comprendre ce qui se passe. Et de peur que ce soit mal interprété, le prophète, il vient de conquérir la Mecque et il détruit la Kaaba, qui est chère à leur cœur. Donc, à cause de cela, pour pas qu'il y ait un mal plus grand, il l'a laissé. Il ne l'a pas touché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha radiallahu anha, « Ya Aïcha, laoula anna qawmaki hadithu ahdi bi islam lahaddamtu al-Kaaba wa banaytuha ala qawa'id Ibrahim. » Il dit, « Oh Aïcha, si ton peuple n'était pas fraîchement converti, ça fait pas longtemps qu'ils ont quitté la mécréance et l'idolâtrie, j'aurais détruit la Kaaba et je l'aurais reconstruite comme elle était à l'époque d'Ibrahim alayhi salam. » L'essentiel, c'est que la Kaaba, comme on l'a aujourd'hui, dans notre époque, hein, elle est plus petite qu'à l'époque d'Ibrahim. Et donc, on a ce hijab. Donc, quelqu'un qui rentre dans le hijab, qui se retrouve à un moment où c'est ouvert et on le laisse entrer, il rentre dans le hijab, il est à l'intérieur de la Kaaba. Il est à l'intérieur de la Kaaba. Ça fait partie intégrante de la Kaaba. Et pour le tawaf, si quelqu'un, alhamdoulilah, il ferme, il ne laisse pas. Mais si quelqu'un passe à l'intérieur pour faire le tour, soi-disant il a trouvé un raccourci ou je ne sais quoi, son tawaf, il est caduque. Il n'a pas fait de tawaf. Pourquoi ? Parce qu'il est incomplet. Il n'a pas fait des tours complets. Il doit contourner Hijr Ismaïl. Donc, on a l'angle où il y a la pierre noire. Après, on a l'angle, les deux angles qui font face au demi-cercle qu'on appelle le Hijr. Puis, on a le troisième angle qui est juste avant celui de la pierre noire. Celui-là, on l'appelle Rokn al-Yamani. Rokn al-Yamani, il est bien de le toucher seulement. Si on n'a pas pu, ce n'est pas un problème, on ne fait pas signe au devant. Le signe, on ne le fait que pour la pierre noire. وامسح الركن اليماني بيمينك كل مرة إن استطعت بلا تقبيل ولا إشارة ولا ترفع صوتك بالذكر والدعاء أثناء الطواف. Donc, et aussi quand tu fais le dhikr, tu fais les dua, les invocations, le rappel, tu récites du Coran, tu ne le fais pas à voix haute, qui viendrait à embêter les gens qui sont autour de toi. Comme certains font, ils crient. Donc, ce n'est pas bon, ce n'est pas correct. C'est comme à la mosquée. Tout le monde implore Allah Azza wa Jal. Donc l'un ne doit pas embêter l'autre personne qui est aussi en prière, en lecture, en dhikr, en dua. La même chose. Wa qul bayna ar-ruknayn, entre les deux rukn, al-yamani et le rukn où il y a la pierre noire. D'accord ? Entre ces deux angles-là, lorsque tu es à ce moment-là, il est bien de dire Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Dans le tawaf, tawaf, c'est un peu comme la prière. Il faut être en état d'ablution. Le tawaf. Si on n'est pas en état d'ablution, on ne peut pas faire le tawaf. Si on perd les ablutions, on va faire les ablutions et on reprend là où on s'est arrêté. Seulement, il est permis de parler, de discuter. Mais ce n'est pas le mieux à faire. Il faut profiter de ce moment pour les bonnes actions. Le dhikr, le dua, récitation du Coran. Vous invoquez Allah Azza wa Jalla, demandez-lui ce que vous voulez parmi les biens de ce bas monde et de l'au-delà. Profitez-en pendant ces moments-là. On a même, pour ceux qui ne savent pas, il y a des ouvrages où il y a des duas pris du Coran et des duas généraux, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a, sinon c'est toi-même, dans ta langue, n'aie pas peur, implore, demande ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc il faut être en état d'ablution. On a le droit de parler, mais ce n'est pas le mieux à faire. Donc on occupe son temps par ce qui est, bénéfique. Les trois premiers tours, les hommes, ils pressent le pas. Les quatre derniers tours, ils marchent normalement. Ils marchent normalement. Et l'homme, il a l'épaule droite découverte pendant les sept tours. Pendant les sept tours. Il n'y a pas de dua précis à dire durant le tawaf. Les ouvrages qui vous disent, tu dois dire le premier tawaf ceci, dans le deuxième ceci, dans le troisième ceci, c'est faux. Aucun hadith authentique là-dessus. Le seul moment où il y a un dua précis recommandé à faire, c'est entre le rukn al-yamani et le rukn de la pierre noire. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban-nar. ثم صلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ولو بعيدا عنه. Puis après avoir terminé le tawaf, bien sûr, l'homme, il remet son rida au-dessus de ses deux épaules. Ça y est, découvrir son épaule droite, c'est fini. Maintenant, il la recouvre. Et il va essayer de se mettre face à Maqam Ibrahim. C'est cet objet-là qui est devant la Kaaba, devant la porte de la Kaaba. Et on a les traces des pieds de Ibrahim alayhi salam sur la pierre laquelle il était pour construire la Kaaba, quand son fils lui donnait pour construire la Kaaba. Donc, il est demandé de prier dans la Kaaba. S'il n'y a pas de place, à n'importe quel endroit de la mosquée, tu peux faire. Donc, tu fais deux rak'at, normalement, derrière le maqam Ibrahim. Waqra, qul ya ayyuhal kafirun, fil oula, wa qul huwa Allahu ahad, fil thaniya. Dans les deux rak'at, il est bien de réciter après le Fatiha, dans la première rak'at, qul ya ayyuhal kafirun, et après la deuxième rak'at, après la Fatiha dans la deuxième rak'at, de réciter qul huwa Allahu ahad. Idhhab ila zamzam washrab. Donc, tu vas boire de l'eau de zamzam après avoir accompli cette prière. Wasub ala ra'sika minha. Et tu peux verser de l'eau de zamzam sur ta tête. C'est bien aussi. Wa'ud ila al-hajar al-aswad faqabbilhu in istata't aw ashir ilayhi bil yamin mukabbira. Oui. À chaque fois qu'on a terminé un tour, on la commence à la pierre noire et le tour se termine à la pierre noire. Ça en fait un. À chaque fois, si on n'a pas pu l'embrasser, on n'a pas pu le toucher, on fait signe. Et on dit Allahu Akbar. Troisième tour, on fait la même chose. Allahu Akbar. Jusqu'à la fin. Après avoir bu de l'eau de Zemzem, il est bien de retourner à la pierre noire pour l'embrasser si possible, de la toucher. Sinon, de faire signe devant la pierre noire en disant Allahu Akbar. Une fois qu'on a terminé avec la Kaaba, on va se diriger vers As-Safa et Marwa. Les monts de Safa et Al-Marwa. توجه الى الصفا فاذا دنوت منه فقرا. Donc lorsqu'on arrive au bas du mont de As-Safa, on récite le verset coranique inna as-safa wal marwata min sha'a'irillah. Et on dit abda'u bima bada Allah bihi. Je commence, je débute par ce que Allah a débuté. Allah a cité As-Safa avant Marwa et on commence par الصفا. فإذا صعدت على الصفا فانظر إلى الكعبة واستقبل القبلة ووحد الله وكبره ثلاثا وقل. Donc une fois que tu es sur As-Safa, tu te mets face à la Kaaba. Face à la Kaaba. La Kaaba, c'est la Qibla. C'est la direction pour tous les musulmans qui prient. Lorsque la Kaaba, on est devant elle, c'est elle la Qibla. Lorsqu'on est dans la mosquée sacrée, c'est la Kaaba, la Qibla. Lorsqu'on est à l'extérieur de la mosquée, on est dans la ville de la Mecque, c'est pas la ville de la Mecque qui est la Qibla. C'est la mosquée sacrée. Il faut aller en direction de la mosquée sacrée. Lorsqu'on habite en dehors de la Mecque, on est à l'extérieur de la Mecque, la Qibla, c'est la Mecque. Plus on s'éloigne et plus la Qibla, elle s'élargit. Et plus la Qibla, elle s'élargit. Mais lorsqu'on est dans la mosquée, c'est la Kaaba bien précise qui est la Qibla. Donc il y a une largesse, plus on est loin. Alors si on est à 5 000, 10 000 km, 20 000 km, encore plus. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il dit à ses compagnons, et Médine est au nord de la Mecque. Au nord de la Mecque. Il dit, ma bayna al-mashriq wal-maghrib qibla. Entre l'est et l'ouest, c'est une qibla. L'est, l'ouest, on a le sud. C'est la qibla. Plus on est loin et plus c'est large. On s'efforce d'être le plus précis, mais il y a une certaine souplesse là-dessus parce qu'on est loin. Donc, on est sur le mont de Safa et on fait face à la Kaaba. On fait face à la Kaaba. Et on dit trois fois Allahu Akbar. Trois fois Allahu Akbar. Puis on dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu, anjaza wa'dahu, wa nasara 'abdahu, wa hazama al-ahzab wahdahu. On dit ça, puis on relève les mains et on fait des du'as. On fait des du'as. Puis on répète le takbir trois fois. On récite la formule qu'on vient de citer. Puis derrière, on relève les mains et on fait des du'as. Puis on recommence cela une troisième fois. On le fait à trois reprises. Puis tu vas aller vers Al-Marwa, le long couloir. On va longer le couloir en direction de Al-Marwa. Il y a à peu près 400-450 mètres de longueur. À peu près. واسريع بين الميلين الأخضرين عدد النساء. Et entre les deux lumières vertes qu'on appelle الميلين الأخضرين. Dans le couloir, à un moment donné, on voit il y a une lumière verte. Quelques mètres après, il y a une deuxième lumière verte. Entre ces deux lumières vertes qu'on appelle الميلين الأخضرين, c'est un endroit où l'homme il presse le pas, il court un peu. Pas avant, pas après, seulement entre les deux lumières vertes. Ceci pour les hommes, pas pour les femmes. Les femmes, elles marchent seulement. Pour As-Safa et Marwa, on n'est pas obligé d'être en état d'ablution. Si quelqu'un perd ses ablutions, ce n'est pas un problème. Il peut continuer à faire le sa'i. Le sa'i, ce n'est pas une condition. Donc, de Safa, il va partir jusqu'à Al-Marwa. طيب افعل على المروة كما فعلت على الصفا من استقبال القبلة والتكبير والتوحيد والدعاء. Arrivé sur le mont de Marwa, on fait la même chose qu'on a fait au début sur le mont de As-Safa. On est face à la Kaaba et on dit Allahu Akbar trois fois et on dit la formule La ilaha illallah la sharika lah, lahu al-mulku wa al-hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu, انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. On fait les du'as une fois, deux fois, trois fois, puis après on descend et on se dirige vers As-Safa. وين دعوت في السعي. Il est bien de dire ce du'a là, ça c'est un du'a qui est bien dit durant le sa'i, et certains même disent durant, entre les deux lumières vertes plus précisément. Sinon, il n'y a rien de précis à dire. Tu fais des du'as, du dhikr, tu récites le Coran, tu profites de ce moment bénéfique. Rabbi ighfir warham innaka antal a'azz al akram. Il vient de dire ce du'a. Rabbi ighfir warham innaka antal a'azz al akram. Karrir as-sa'ya sab'a marrat. Et tu dois faire les va-et-vient sept fois. Un aller contre un. De Safa à Marwa, ça fait un. De Marwa à Safa, ça fait deux. Donc, on a commencé à Safa, on va terminer à Al-Marwa. On va terminer à Al-Marwa. Erhamouk Allah. طيب. Une fois qu'on a terminé le marwa, on sort. Et il nous reste à faire quoi? Al-halq. Se raser la tête. Ihlaq sha'raka kullahu wa huwa al-afdal. De se raser la tête complètement, c'est le mieux à faire. Bien sûr, il y a une permission de seulement se contenter de se couper les cheveux. Lorsqu'on dit raser, tailler les cheveux, couper les cheveux, c'est pareil dans tous les endroits de la tête. Pareil dans tous les endroits de la tête. Hein, ce n'est pas je rase une partie, je laisse une partie. Ou je coupe une partie, ou je laisse une... Non, partout pareillement. Le mieux, c'est de raser. Mais il est aussi permis de seulement se couper les cheveux. إن كان وقت الحج قريبا si le hajj il est proche, c'est bientôt les jours du hajj, le mieux c'est seulement de se couper les cheveux pour cette précision là. Lorsqu'on fait une umra, le mieux c'est de se raser. Lorsque la umra est loin du hajj, on peut se raser, c'est le mieux à faire. Mais lorsque la umra et le hajj sont proches, tu arrives, tu fais la umra, dans quelques jours tu vas aller faire le hajj, c'est mieux de laisser un peu de cheveux pour pouvoir les raser durant le hajj. Parce que tu devras aussi le faire à ce moment-là. وَالْمَرْأَ تَقُصُّ مِنْ شَعْرِهَا قَلِيلًا. La femme, elle, elle coupe un peu de ses cheveux. Elle prend tous ses cheveux. Et au bout, elle coupe seulement de la taille d'une phalange. 2-3 cm. Une phalange, c'est un tiers d'un doigt. D'accord ? Une phalange, elle coupe. Donc ça, elle, c'est rapide hein, pour une femme à faire. Elle a une paire de ciseaux, elle le fait rapidement. C'est ce qui lui est demandé. انتهت اعمال العمره البس ثيابك ويحل لك كل شيء. Ta umra elle est terminée. En quelques heures, la umra elle est terminée. Une umra c'est rapide, hein, c'est pas, ça se fait en quelques heures. La umra elle est terminée. Donc ça c'est la umra qu'on fait lorsque durant toute l'année. Et lorsqu'on fait le hajj et qu'on va faire le tamattu comme la plupart font. Donc là, sa umra est terminée, il est sorti de son état de sacralisation, tout lui redevient permis, et il attendra le moment du hajj. Je ne savais pas que j'allais prendre autant de temps. Si les frères le permettent, on prend une petite pause, et après on fait le hajj, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.